Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 394 qui commence maintenant. Donc à l'instant, le morceau que vous avez écouté s'appelle Daisy. C'est tiré de Life Sabler, second EP d'un groupe new-yorkais, d'un quatuor new-yorkais qui s'appelle Super Bloom, mais qui n'a qu'un album à son actif actuellement, plus deux EP. Voilà, on est dans le grunge, clairement, on est toute gratte et tout spleen dehors, hein, c'est un peu mélancolique parfois à côté de l'énergie assez palpable. Voilà, on est un peu entre mur de guitare et interprétation parfois cotonneuse, vaguement shoegaze. On a l'urgence combinée à un côté désabusé et amer. Voilà, c'est sorti chez Airshot Media. C'est plutôt très intéressant, ça s'appelle donc Super Bloom. Sinon, à cette émission, on aura une petite séquence punk. Premier album de la semaine, on aura du rock indé, parfois vaguement grungy aussi, avec Bully et son nouvel album Lucky For You. On aura une petite séquence, on va dire, où on vous parlera de la soirée de clôture de l'assaut Progresson, qui, après 20 ans de bon loyal service, ferme les portes. On aura une petite séquence électronique, on aura un album de la semaine, second album de la semaine, de la pop. On aura des choses un peu pop-folk mondialisantes, on va dire. On aura de l'Americana Et pour terminer, on aura du slowcore avec la superbe collaboration entre Midwife et Vivia Melincolia. Donc de suite, une séquence punk, on commence avec Samyam. Donc Samyam, groupe assez légendaire qui nous vient de Berkeley en Californie, qui a sorti 9 albums depuis 1990. Ils n'avaient rien sorti depuis 2011 et leur album Trips. Donc là, ils sortent cet album Stowaway qui, comme d'habitude, est du skatepunk d'antan. Hein. C'est un groupe qui, quand même, était régulièrement cité à la grande époque du skatepunk avec Bad Religion, Green Day, The Offspring, NoFX ou No Doubt. Voilà, c'est un mix d'énergie, d'entrain et de mélodies ensoleillées, c'est sans prétention, parfois emo, parfois alt rock, mais toujours avec de la bonne humeur. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Crystallized. C'est parti pour Samyam. The bus school bag that contains more than books in a lunchbox. He knows the gift has nothing to do there, but he also knows the effect it will do on her. And is free and proud and a bit nervous. He knows the effect it will do on her, and is free and proud and a bit nervous. The gift is so pretty. The gift is so pretty. The gift is too heavy. The gift is so pretty. The gift is so pretty. The gift is too heavy. The bus stops, he gets down. He's on the sidewalk in front of the high school. The courses begin every Monday at 8:30. So bunches of girls are there waiting to get in the playground. The gift is so pretty. The gift is so pretty. The gift is too heavy. Is out of his bag now, pointed towards the first girl who understands what is going on. The story doesn't tell why the kid did this, for he's disappeared now. It's just another day in the suburbs of Knowlesville, somewhere in this land of freedom and opportunities. Voilà, juste après Samyam, on a écouté un extrait, on a écouté le morceau The Gift de Vanilla Blood, une quintette stéphanois, donc c'est leur second album depuis 2022, l'album s'appelle Sweetheart, voilà, c'est, alors c'est pas un jeune groupe, la plupart des membres sont originaires du punk français des 90s, notamment des groupes Sixpack et Protex Blue pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un peu crunk indé, à guitare harmonieuse, mélodie imparable, il y a parfois un côté Dada Surf, parfois un côté Weezer, parfois aussi ça rappelle un peu Burning Head. Et voilà, c'est plutôt très intéressant donc, et ça vaut le coup d'oreille. On poursuit avec notre premier album de la semaine qui s'appelle Lucky For You, qui est signé Bully, qui est le projet aujourd'hui solo d'Alicia Bognano, la chanteuse de Nashville dans le Tennessee. C'est sorti chez Sub Pop. C'est quelqu'un qu'on aime bien. On avait déjà mis son dernier album, Sugar Egg de 2020, un album de la semaine ici. Voilà, c'est du rock indé type Riot Girl. On peut penser à Frank Musis, au Tigre, à Veruca Salt ou encore à Hall. Et alors qu'Alicia Bognano est une excellente productrice par elle-même, sur cet album-là, juste pour se concentrer sur la musique, elle a fait appel à un producteur qui s'appelle J.T. Daly, qui est musicien de Nashville également. Voilà, l'album c'est 10 morceaux, 31 minutes de musique, c'est très électrique, il y a des hymnes enflammés et des morceaux tranchants, il y a des distorsions et des riffs fuzzy. Il y a des choses un petit peu noisy et grunge, voire slacker rock. Elle sait également réduire le tempo quand il faut. Il y a notamment la balade finale avec Soccer Mommy qu'on écoutera. Voilà, donc on va écouter le morceau All I Do. On le fera suivre des deux morceaux, comme c'est assez court, un morceau de cet album, par les deux morceaux Change Your Mind et A Love Profound, qui est justement le morceau qu'elle fait avec Soccer Mommy. Donc All I Do, déjà, c'est parti, Buddy. Bad news, I've been ready to leave, but it's hard to go. It ain't the right. C'était le morceau A Love Profound de Bully, qui n'était pas tout à fait, en fait le morceau que je voulais mettre, le morceau en collaboration avec Soccer Mommy. Je me suis trompé, mais il était très bien aussi ce morceau, c'est pas grave. Le morceau en collaboration avec Soccer Mommy s'appelait Lose You, il est très bien aussi, mais il était peut-être un peu, petit peu plus calme que celui-là. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon album, cet album de Bully. On va rester à une des choses un peu énervées pour vous présenter la soirée de clôture de l'association Progressons. Donc Progressons qui, après 20 ans de bons et loyaux services à Toulouse et environ, tire sa révérence. Ils ont réalisé beaucoup de concerts, ils ont beaucoup fait pour la scène locale, notamment en organisant dans beaucoup d'endroits, beaucoup de bars, beaucoup de salles, des petits concerts, toujours très très sympa. Donc voilà, ils arrêtent, c'est pas grave, 20 ans c'est bien, c'est très bien. On les remercie pour leur travail, donc ils arrêtent et ils font deux soirées, c'est un week-end un peu de fermeture. Le week-end prochain, il y a une soirée le vendredi 24 novembre au Bohème qui est gratuite. Donc il y a Shake and Soda du rock de Toulouse et Splinarium du folk rock de Toulouse. Il y a ensuite une grosse soirée au Bikini le samedi avec Krav Boka du punk rap mandolin de Colomiers, Johnny Mafia du rock punk rock de Sens, Dacha Mandala du rock psyché un peu 70s de Bordeaux, Madame du grunge de Toulouse et Lou Maléville du blues de Toulouse. Et le tout sera suivi d'une soirée années 90 versus 2000. Voilà, pour la somme de 12 €, ça peut valoir le coup, vraiment. Bah écoutez, on va écouter deux morceaux pour dire au revoir à Progresson, deux morceaux de leur soirée du samedi, enfin proposés par des groupes qui officieront dans leur soirée du samedi. Le premier, le morceau Hit and Roll de Dacha Mandala, contrairement tout droit sorti d'un album de Led Zepp. Et le second s'appelle Blood Shoes de Johnny Mafia, qui lui fait assez morceau de The Cramps, je trouve. Voilà, c'est parti. We'll be right back. Voilà, donc à l'instant, c'était Black Shoes, donc de Johnny Mafia, tiré de leur album Michel, Michel, Michel, donc ils seront en concert ce samedi au Bikini, donc dans le cadre de la soirée de clôture de l'association Progressome. Voilà. Donc on poursuit avec des choses plus électroniques, on commence avec Model Actrice, qui est un quatuor new-yorkais de Brooklyn, plus précisément. Quatuor dont la paire de base est le batteur Ruben Radower et le guitariste Jacques Wetmore, qui s'étaient connus infâmes parce que leur père faisait déjà partie d'un groupe ND, un groupe de punk un peu 80s. Voilà, en tout cas ensemble ils font de la dance noise à forte base électronique, forte base expérimentale, pleine de surprises. Il y a un côté Liars, côté Indus aussi, on peut penser à Nin ou Korn, notamment pour le chant très habité de Cole Alden, et Wire pour la ligne de basse qui fait bien penser justement à Wire. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Crossing Guard, donc Model Actrice, c'est parti. Je crois qu'ils sont très bons sur scène. Je n'ai pas ajouté, mais je pense qu'ils sont très bons sur scène. Sightlines passing gates, their incoming and fade. I'm pressed against the glass, as close as I can take. And the colors are smeared, turning breath into frost, as the ground falls in to a pillar of smoke. At the crossing guards will lay, there's no hands left to take. So grab me by the teeth and whisper it to me. Keep saying you don't, have to submit, submit, submit, submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all and go back to running from it. Yeah, feel the rain, the steam, and sleep pulled away from under me. Away from under me, yeah. And the shadow I throw, strove in against the wall. Boy, what's wrong with you? Go ahead and grind me into a pulp. At the crossing guards it lay, there's no hands left to take. So grab me by the teeth, whisper it to me, yeah. Keep saying you don't, you don't, you don't, you don't have to submit, submit, submit, submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all, yeah, and let it get away from me now. Like German artist Stephanie pulled away from under me, yeah. To passenger, to passenger, to passenger. Voilà, juste après modèle actrice, on est resté dans la musique électronique, même si nettement moins bruitiste, avec Lucie Antunes, la perpignanaise, à la fois percussionniste et multi-instrumentiste. C'est son deuxième album depuis 2019. L'album s'appelle Carnaval. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Vivante Partout. Voilà, donc c'est de la musique électronique assez immersive, aux rythmiques complexes et modernes. Il y a un indéniable sens pop aussi, hein, la plupart des morceaux, parfois des pointes un petit peu expérimentales. L'ensemble dégage un charme assez lumineux et parfois même contemplatif. Voilà, très bon album. On poursuit avec le second album de la semaine, qui est de la pop. Pure pop, Achille was a Hound Dog, c'est le titre. Ralph Band, c'est l'artiste, le groupe en tout cas, le groupe amené par Oli Ralph. Alors on avait déjà écouté un extrait de cet album, à l'époque il n'était sorti qu'un EP, ça nous avait beaucoup plu, et à l'époque, à l'écoute de l'album, j'ai vraiment craqué, parce que c'est de la très belle pop, très belle artisanat pop, très bel ouvrage. C'est plein de petites perles, folk, rock, pop, chantées d'une voix un peu nasillarde. Il y a également deux beaux instrus qui rappellent que l'artiste a également des talents de compositeur de musique de film. En tout cas, c'est plein d'idées, de mélodies qui restent en tête, d'énergie libératrice et vivifiante. Et on peut penser par exemple à Angie Lesbian Track, Michael Wookie's National ou Andrew Bird. Enfin, que des gens qu'on aime. Voilà, donc je vais passer deux extraits de ce très bon album Achille was a Hound Dog de Ralph Band. Le premier s'appelle More Than Enough, et le second s'appelle A Thousand Miles Away. Donc Ralph Band, c'est parti. Streets are closed, I look to the sky, a solitary hawk flies by. I've been wandering north, I've been drifting south, and I don't know why. A shadow floats to the top of the hill, up to the place where she's waiting still. I am a frozen thorn, I am a hidden lake, I am a hollow wave. This is more than enough, more than enough, more than enough for me. This is more than enough, more than enough, more than enough for me. Out to where I can no longer be. I've been climbing high, I've been falling down, but I kept reaching for you. Ghost girl rider on a jagged shore, she's always looking for something more. I am a pelican, I am a cormorant, I am a drift. This is more than enough, more than enough, more than enough for me. This is more than enough, more than enough, more than enough. Thank you. C'était le second extrait, notre second album de la semaine. Le morceau s'appelait A Thousand Miles Away, donc tiré du de l'album Achille Was a Hound Dog de Ralph Band. Donc vous avez compris qu'on vous recommande chaudement son écoute. On poursuit avec une séquence un petit peu folk mondialiste, on va dire, pop folk mondialiste. On commence avec la collaboration entre Johnny Greenwood et Doudou Tassa. Donc Johnny Greenwood, on ne le présente plus, c'est le guitariste de Radiohead qui compose également pas mal de musique de films, notamment pour Paul Thomas Anderson, voilà, et qui est accessoirement passionné de musique orientale. Ce qui l'a mené donc à collaborer avec l'artiste israélien Doudou Tassa, qu'on connaît sans doute beaucoup moins ici. Voilà, donc le titre de l'album est Jarak Karibak, ce qui signifie approximativement votre voisin et votre ami. ce que si en ces périodes un peu malheureuses est un beau signe d'optimisme en tout cas, ou de fraternité. Voilà, le principe est simple, il s'agit de choisir les meilleures chansons du grand répertoire moyen-oriental et de demander à des chanteurs de chaque pays de reprendre un air d'un pays voisin. Ainsi, un chanteur marocain va reprendre par exemple un titre égyptien, ou une chanteuse de Dubaï va chanter un air israélien, etc. Voilà, il y a un son assez particulier, un enregistrement qui peut faire penser à un enregistrement des années 70. Mais avec des effets un peu contemporains, hein, par exemple des guitares ou des basses qui détonnent un peu, mais qui pourtant se mêlent assez harmonieusement au reste. Voilà, le morceau qu'on a écouté s'appelle Akba, qui est chanté par la chanteuse de Dubaï, justement, Safé Essadi, qui est voilà, plutôt très bien. Je vous laisse donc avec Johnny Greenwood et Doudou Tassam. Ahabak, Safa Safi Dubai. I'm Kabaka Himbandulo Melan Pagame Ukabaka Itimbalam Melan Oyande Kotasa Echo Oyaya Ukabaka Itimbalam When we are no melissa When we are no melissa When we are no melissa When we are no melissa Sempan chonga Humbone humoba Mande kumto chala O kangelu na ho Tango Tima Kunene Sa Sako Yenza Nele Komba Kama Yama Tisa Kumba Tima Kuma Tima Nungu Mambele Voilà, donc juste après Johnny Greenwood et Doudou Tassa, on a pu écouter un morceau de Bongeziwe Mabasa, donc le morceau s'appelle Ubuko Bako, c'est tiré de son album Ana Amagzesha, quatrième album depuis 2012, donc c'est un chanteur sud-africain de Johannesburg plus précisément, qui fait de l'afro-folk, souvent matinée, de léger filet électronique, et qui chante en Xhosa, une des langues officielles d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Le tempo est soit dansant, soit mélancolique. Les morceaux sont enrichis d'éléments soul, jazz ou de rythmique ou de beat tirés un petit peu empruntés à des musiques urbaines comme le hip-hop ou l'électro parfois. Beaucoup de morceaux ont un côté intimisme et une dimension spirituelle. C'est un bel album, donc, cet Amagzesha de Bongeziwe Mabasa. On poursuit de suite vers des choses plus americana avec Wayhawk, le duo de Baltimore formé d'Andy Stack à la batterie, au clavier et au chant, et de Jen Wassner au chant, à la guitare et à la basse. C'est des pensionnaires du label Merge Records et qui ont sorti donc cette année, pas vraiment un album, hein, une compilation qui s'appelle Everyday Like the Last. Une compilation de 6 morceaux un peu isolés dans leur discographie, soit sous des face B de P, des choses comme ça, enregistrés entre 2019 et 2023 en tout cas, et 3 nouveaux morceaux. Voilà, c'est très inspiré mélodiquement, c'est très bien écrit, et surtout ça opère une transition entre le rock psyché qu'ils font habituellement vers une Americana plus aérienne. Le morceau qu'on va écouter s'appelle It's Way With Me, donc Wayhawk, c'est parti. Through the dark, to the world.

Voilà, à l'instant, c'était le très gracieux morceau Pale Blue Night, donc tiré de Der Departed, de second album depuis 2020 de Sam Burton, un chanteur qui est originaire de l'Utah, mais qui vit actuellement, je pense, à Los Angeles, même si ces morceaux-là ont été composés chez lui dans l'Utah. Donc c'est 10 morceaux, 10 ballades mélancoliques et profondes pour 40 minutes de musique aux accents fortement Americana des années 60-70. C'est produit par Jonathan Wilson, qui est un peu partout ces temps-ci. Voilà, et ça peut faire penser à quelques grands noms de la musique américaine comme Mary Nilsson, Roy Orbison, Lee Hazlewood ou encore Nick Drake. Voilà, bah écoutez, on va terminer cette émission par le troisième album de la semaine qui s'appelle Orb Weaving et qui est signé Midwife et Viva Melancholia. Alors Midwife, vous connaissez, c'est le délicieux projet solo et enchanteur de Madeline Johnson, donc dont on avait adoré les albums Forever de 2020 et Luminol de 2021, tous deux albums de la semaine ici. Elle fait une musique du slowcore qu'elle a qualifié elle de even metal. Viva Melancholia, vous connaissez sans doute moins, c'est une formation shoegaze de Louisville, grande ville de slowcore justement aussi et de post-rock. Voilà, c'est un projet mené par la chanteuse Angel Diaz. Voilà, elles ont enregistré dans le désert de Chihuahua. Il y a une pochette très cryptique, très mystérieuse, avec une porte un peu mystérieuse prise dans une toile d'araignée sur un fond sombre. C'est très intriguant, mais ça reflète tout à fait la musique de l'album, hein, qui est des morceaux de guitare slide assez hallucinés et une musique très éthérée, très atmosphérique, qui oscille entre tension et quiétude. C'est contemplatif en diable. Il y a 5 morceaux, donc le dernier est un morceau drone ambient de 12 minutes, très, très bon. On va en écouter 2 qui concluront cette émission, pas le long. On va écouter le morceau Miss America qui ouvre l'album et le morceau NNP qui clôturera cette émission. Et je vous dis à dans 15 jours, donc n'oubliez pas, si vous voulez vous amuser samedi, la soirée d'adieu de Progresson au Bikini, et également le mercredi 29, je vous rappelle qu'il y a le concert de Man on Man aux Connexions, qui a été album de la semaine à l'émission précédente, et qui sera sans doute à voir. Et je vous laisse dans les excellentes mains de Midwife et Viva Melancholia. C'est parti.